Activité 7, page 39, piste 29. A. Métro. B. Prix. C. Décembre. D. Derrière. E. Fenêtre. F. Professeur. G. Drôle. H. Train.